Tenez gros, ce son là, ça peut pas chauffer, il est trop sale. La tête d'homme, mais il sort con ce putain de son, il sort con. T'inquiète. Putain, ils sont pas prêts, les gros, sont pas prêts. T'inquiète. Ça c'est VG, je me dégagne, oh. Gigi, let's go. Oh toi, qui penses avoir une exclue de moi, tu t'es trompé. Oh toi, qui penses que ce son sortira, tu t'es trompé. Qui pense avoir une exclue de moi, tu t'es trompé. Oh toi, qui pense que ce son sortira. Va te faire enculer. Tu t'es trompé, t'es bon qu'à pirater. Tu t'es trompé, enculé. Tu t'es trompé, t'es bon qu'à faire fuiter. Tu t'es trompé, enculé. Tu t'es trompé, tu veux me boycotter. Tu t'es trompé, enculé. Tu t'es trompé, t'es bon qu'à faire fuiter. Tu t'es trompé, sale pute va niquer ta race. Tu ne fais que parler sous moi. Merci. De quoi? Non mais c'est... Ah, je te jure, c'est pas moi qui ai vu tourner. Mais j'ai... Va te faire enculer.